Samedi 9 février, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! On va parler de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. C'était la date limite des transactions hier dans la NBA. Salut Pascal! Salut Danny. Pascal, évidemment, qui est les gagnants et les perdants de cette journée? C'est une journée correcte. Il n'y a eu pas trop de transactions, juste bien. Est-ce que les Raptors, il y en a qui ont dit qu'ils ont payé cher, il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas payé cher, ça dépend toujours des attentes, mais Bart Gasol, à court terme, va-t-il aider les Raptors plus que Jonas Valanciunas? Ben, je pense que oui. Je pense qu'au niveau défensif, au niveau... c'est un meilleur joueur, là, faut pas se mentir. Même s'il est rendu à 33 ans, Mark Gasol, il reste quelques bonnes années. Faut pas oublier que Masai Ujiri a fait cet échange en pensant à cette année. Oui. Si je ne me trompe pas, Valanciunas devient un joueur autonome cet été, Mark Gasol aussi. Donc, on a pris un risque. On a payé avec, si je ne me trompe pas, Delonte Wright qui est rendu avec Memphis. Mm. Mais on a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Ça nous a pas coûté un Pascal Siakam. Ça nous a pas coûté un OG ou un Van Fleet. Fait que je pense que du côté de Toronto, on est gagnant. Du côté de Memphis, on avait des changements à faire. Donc, pour moi, je suis pas surpris de ce qui s'est passé par rapport à Memphis. Mais pour Toronto, je pense qu'à court terme, il va y avoir un petit ajustement. On jouait beaucoup, comment il s'appelle, Serge Ibaka en presque en 5. Ouais. C'était le 5 partant. Donc, Mark Gasol est capable de prendre des tirs de 3 points. C'est un excellent passeur. Donc, je pense qu'à court terme, c'est un très très bon échange pour Toronto. Et ça les met vraiment dans une situation d'être capable de se rendre en finale NBA là, avec Kawhi Leonard. Parce qu'oublie pas qu'on fait tout pour garder Kawhi Leonard l'année prochaine. Donc, et Kawhi a mentionné que si jamais il gagnait un championnat, il resterait à Toronto. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, est-ce que du côté des Raptors, par contre, t'sais, je veux dire, Toby Harris et les 76ers sont allés chez Toby Harris. Les Bucks ont bougé également. Donc, à partir de ce moment-là, ça a forcé Masai à faire de quoi de plus. Ben, t'as raison, parce qu'on parle de Nikola Mirotic, un bonhomme de 6 pieds 10 qui est long, qui est excellent dans la ligne de 3 points, qui va se rejoindre avec Giannis à Milwaukee. Milwaukee qui est, je pense, numéro 1 encore dans l'Est. Milwaukee vient de, selon moi, s'améliorer. Tom Maker voulait être échangé. Et puis du côté de Philadelphie, j'étais vraiment surpris. On sait que Cleveland, eux autres, ils se préparent pour Kawhi Leonard, puis Kevin Durant, puis peut-être même Kyrie Irving cet été. Fait qu'on a fait un ménage. On a décidé que même si on était en 8e place pour les séries, on du côté des Clippers, on s'en fout de ne pas faire les séries. Donc on a libéré des sous par rapport à ça. Fait qu'à partir de là, les 76ers, on a été chercher un gars comme Tobias Harris qui est phénoménal. On a 4 joueurs étoiles, selon moi, avec Ben Simmons, Joel Embiid et Butler. Donc, on a tout mis aussi pour cette saison, pour aller chercher un championnat. Donc, Philadelphie s'est amélioré, selon moi, Philadelphie numéro 1, Milwaukee numéro 2 et Toronto numéro 3, au niveau d'amélioration pour la fin de la saison. Mais là, c'est ce qui peut déranger les 76ers, c'est vraiment la jeunesse. Ils peuvent jouer un petit peu contre eux. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par la jeunesse, Danny? Ben, écoute, c'est quand même une équipe pas vieille, là. Ah ouais, tu parles de l'expérience, mais là, Butler puis Harris, c'est des joueurs d'expérience. C'est des alliés avec beaucoup d'expérience. Fait qu'on vient d'ajouter Tobias Harris qui, la journée qui a été échangée, Danny a réussi un tir pour battre l'adversaire, pour donner une victoire aux Clippers. Puis après le match, on a dit « Ah, merci beaucoup Tobias, mais tu t'en vas à Philadelphie. » Non, moi je pense que Philadelphie vont être très dangereux avec un gars qui est capable de faire 25 points par match. Là, tu as 4 vraiment joueurs étoiles. Moi, je dis que l'équipe la plus, pas expérimentée, mais la plus dangereuse dans l'Est, selon moi, c'est les 76ers de Philadelphie. Même avant les Bucks, j'ai regardé le match de mercredi soir. Les Bucks, soyons honnêtes, là, c'est pas une équipe que je regardais beaucoup, mais quelle équipe, quelle machine. Avec Budenholzer, l'entraîneur-chef, la chimie, Middleton qui va faire son premier match d'étoiles avec Giannis, défensivement, sont là, offensivement, sont dangereux. On parle pas beaucoup de Brook Lopez, mais Brook Lopez qui est vraiment un ajout avec cette équipe-là qui prend des tirs de 3 points, donc elle est très dangereuse. Mais on vient d'ajouter un quatrième joueur étoile avec les Sixers. Danny, c'est vraiment spectaculaire là. C'est une équipe dangereuse et on est capable, avec Embiid puis Butler, c'est très bon défensivement. Ben Simmons, qui est un LeBron James sans jump shot. Philadelphie, là, moi, je viens de retomber en amour avec les 76ers. Ah, c'est une équipe jeune, donc qui va sortir dans l'Est? C'est très dur à prédire actuellement. Dur à prédire en ce moment. Quoi, les matchs de deuxième ronde, Danny, vont être spectaculaires. Ouais, à partir de ce moment-là. LeBron a dit trois équipes qui s'est améliorées. Avec, si on regarde les Celtics, t'as quatre gros clubs dans l'Est qui pensent rendre en finale NBA. Surtout le fait que je suis plus là. Ça, je parle au niveau de LeBron James qui dit qu'il est plus là. Fait que, ça va être les matchs de deuxième ronde cette année dans l'Est, Danny, là, tu vas m'appeler tous les jours, tu sais, Pascal, c'est phénoménal. Hey, mais Victor, puis imagine-toi si les Pacers n'auraient pas perdu Victor au Lapoudo. Exactement. T'aurais cinq équipes qui seraient vraiment, ouais, là. Hein? Tu as tout à fait raison, Victor Ladipo, c'est une grosse perte. Ouais. Du côté des Pacers. OK. On va y aller maintenant avec les Anthony Davis. Anthony Davis, est-ce que tu es surpris qu'il n'a pas été échangé? Non. Mes attentes, Danny, on s'en était parlé vite, là, mais mes attentes étaient qu'ils ont fait exprès pour niaiser un petit peu les Lakers. Ouais, parce qu'ils n'ont pas apprécié le fait qu'Anthony Davis ait fait cette demande-là. Et là, ils ont annoncé aujourd'hui qu'Anthony Davis pourrait réintégrer l'équipe et finir la saison sur le terrain. Okay. Donc, je m'attends à ce que Anthony Davis finisse la saison sur le terrain. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer le 1er juillet. Avec Kyrie Irving, avec Kevin Durant, fait que ça recommence. Ça va être un 1er juillet. Oublie la finale NBA, puis oublie le draft. C'est le 1er juillet. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être intéressant de savoir également ce qui va se passer. C'est la loterie qui est intéressante aussi, là. Ouais. Parce que l'équipe qui va à Zion Wellington, j'ai l'impression qu'elle va partir, elle va être vraiment en feu également pour être très agressif. Si les Knicks qui l'obtiennent, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de place sur le cap salarial, ils vont être très agressifs. Je regardais le New York Post toutefois, puis c'est ça qu'on entend. Là. Mais c'est ça, avec l'échange de Porzingis, juste un petit peu avant le jeudi dernier, avant hier, l'échange de Porzingis, c'était énorme parce qu'on a libéré au-dessus de 73 millions, je pense. Fait que c'est ça, on s'est préparé pour être capable de signer deux joueurs étoiles. Donc, on pourrait, du côté des Knicks, signer un Kevin Durant puis un Kyrie Irving, exemple, ou un Kyrie Irving puis un Anthony Davis, et aller chercher un Zion Williamson. Fait que c'est vraiment, c'est bon de voir que le basket à New York, en ce moment, on en parle et puis ça devient très excitant parce qu'en passant, la franchise des Knicks, 4 milliards. C'est celle qui vaut le plus dans la NBA, exactement. 4 milliards, j'ai vu ça, c'est incroyable. Pareil, puis ça fait une équipe que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait des séries, là. Surprenant pareil, hein? Exact. C'est très, très surprenant. Luke Fultz, qui a été échangé, lui, ça a été le premier choix repêchant. Il a été échangé hier à Orlando. Qu'est-ce qui s'est pas passé? Lui, il était blessé, quoi. Ça n'a pas marché du tout, là, à Philadelphie, là. Tu parles de Markelle Fultz. Markelle Fultz, c'est pas Luke Fultz, mais Markelle, ouais. Ouais, Markel Fultz a été une erreur de parcours, selon moi, au niveau mental, au niveau physique, puis ça n'a juste pas fonctionné avec les 76ers, et on a décidé de l'échanger, on n'a pas voulu être patient, et je pense que la venue de Butler a vraiment fait que son temps était compté, donc c'est peut-être bon qu'il soit à Orlando, on en parle beaucoup moins, sûrement c'est pas une équipe de série, il va peut-être avoir une chance de se développer plus. Moins de pression sur lui, moins de pression des médias non aussi. Moi, je souhaite du succès à Ford qui se replace. Mais ça a été une saison très, très difficile pour lui. OK. Une des transactions, effectivement, une des rares transactions entre les Lakers et les Clippers, de mémoire, c'est une des premières fois? Oui. Ben, je pense qu'on a, si je ne me trompe pas, lorsqu'on a échangé Tobias Harris avec Philadelphie, on était chercher le Muscala. Ouais. Et là, lui, il arrivait à Los Angeles, puis il changeait juste de vestiaire, finalement. Mm. Fait qu'on a décidé de le donner, encore une fois, pour sauver de l'argent. Mais les Lakers, c'est un joueur qu'ils aiment bien. C'est un joueur de précipier 7, 6 pieds 8, qui a un bon tir de 3 points. C'est un joueur qui est capable de donner un 10, 15 minutes par match. Donc, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. Surtout qu'après la défaite ridicule avant hier des Lakers contre Indiana, par 40, la pire défaite dans l'histoire de LeBron James dans la NBA. On se retrouve à Boston hier soir et on bat les Celtics. Je crois qu'on s'est déjà replacé mentalement, là, des Lonzo Ball, puis des Kyle Kuzma, puis les Brennan Ingram, qui se sont déjà replacés par rapport à dire, ben là, on est prêt à jouer. C'est une période d'année pour les joueurs la période d'échange qui est quand même difficile mentalement, c'est ça fait partie de la business du sport, comme on dit. Mm. Mais mentalement, pour les athlètes, c'est pas facile parce que tu sais jamais, hein. La NBA peut t'échanger sans te le dire. Mm. Et c'est pour ça que les médias critiquent d'Anthony Davis. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que quelqu'un est capable de dire, regarde, moi, ça fait 7 ans, je suis dans une organisation. Je veux juste que l'organisation sache que je veux pas signer avec eux autres, je veux aller ailleurs. C'est tout. Okay. Je pense que les joueurs ont le droit de faire ça parce que les équipes peuvent t'échanger sans te le dire. Ouais. Ben, on l'a vu avec Harrison Barnes cette semaine, hein. Exactement. Pendant le match cette semaine, lui, monsieur, il a fini sur le banc, puis finalement, il a été échangé. Hey, ouais. En terminant, je veux te parler de la déclaration. T'as-tu vu la déclaration de Scottie Pippen la semaine passée? De Scottie Pippen? Sur Zion Williamson? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était le meilleur joueur depuis, arrivé dans la NBA depuis Michael Jordan. Donc, meilleur que LeBron. Ah. Ça c'est peut-être autant une flatterie à Michael qu'un petit pic à LeBron James. OK. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'adore. Tu sais que je suis un fan fini de Zion. Ouais. Quand Zion était un junior à l'université, puis on commençait à voir les vidéos, un de mes bons amis à moi, qu'on parle basket tous les jours, je disais, hey, là, il me disait non, Pascal, c'est juste un gars qui fait des dunks. Sinon, il y a quelque chose de spécial. Il est athlétique, mais il dribble le ballon, il a une petite shot, tu sais, il fait beaucoup de choses. Mais là, on voit qu'en ce moment, c'est... Ce qu'il fait, c'est ridicule. Là. J'écoute des commentaires des coachs adverses, des joueurs, tout ça. C'est un phénomène et ça va être intéressant de voir. C'est important de voir qui va le repêcher, dans quelle organisation il va aller. Mm. Mais écoute, pour moi, c'est le meilleur prospect depuis LeBron à s'en aller dans la NBA. Mm. Pas depuis Michael Jordan, parce que depuis Michael Jordan, il y a quand même eu de très bons prospects. Là. Mais venant de Scottie Pippen, je suis pas surpris. Mais non, t'es pas surpris du tout. Okay. Non, mais c'est son ami. Ouais, c'est sûr que ça va toujours être un éternel Jordan Pippen, Jordan et James, mais à quelque part, ben, exact. Mais c'est certainement le meilleur depuis LeBron James, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, puis, ouais. Il y en a qui ont déçu. John Wall déçoit énormément. John Wall était vigoureux aussi. John Wall était vigoureux. Andrew Wiggins était vigoureux. Puis finalement, ouais. C'est quoi, après la journée Zion, on va vraiment pouvoir en parler, je dirais, à sa troisième, quatrième saison dans la NBA. Parce que LeBron, même son premier match était phénoménal. Là, des Kevin Garnett et des Kobe Bryant, ils ont pas tué la Ligue dans le premier, deuxième mois. Là. LeBron, son premier match, je pense qu'il était de 28 points. Là. C'était, tu savais déjà que ce joueur-là était spécial. Là. Mm. Et c'est ce qu'on va voir avec Zion. Mais au niveau physicalité, c'est ridicule. Oui, effectivement. Pascal, gros merci. On s'en parle la semaine prochaine pour revenir à notre chronique habituelle. Ça me fait plaisir, Danny. À bientôt. Parce que je vois bien une chronique de la NBA.